Je vais tenter de parler en français comme j'avais promis à Caspar. Je l'ai fait en Québec, mais ce n'est pas le même français en Québec, comme vous le savez. Mais je dois faire attention parce que j'ai des amis en Québec et je ne veux pas offenser les amis québécois. C'est une école très importante parce que c'est la première école internationale de la TMI francophone, des camarades de tous les pays où se parle le français, plus ou moins, avec respect à les Québécois. Rappelons-nous la grande histoire révolutionnaire, traduction en québécois, révolutionnaire. S'il écoute la vidéo, c'est pour simplifier les choses pour les Québécois. L'histoire révolutionnaire du monde français, il y a une grande histoire révolutionnaire de la France, du monde francophone avec la Révolution française, la Commune de Paris, mai 68. Et dans la prochaine période, nous allons voir autre grand événement dans le monde francophone. C'est clair, si on regarde ce qui passe en France et autres pays, en Belgique, en Québec, avec les grands mouvements des étudiants, des ouvriers, etc. C'est important parce que c'est une part importante du monde, la francophonie. Hein, avec, ça sert pour augmenter mes amis français. Pour arriver à la question de la discussion, l'économie mondiale se trouve dans une crise profonde, possiblement, c'est sûrement la crise plus profonde de l'histoire. Mais nous sommes seulement au début de cette crise. Et alors, il y a dans le monde une tourmente, ou des chocs politiques, des virages serrés dans les situations dans tous les pays du monde. Et en général, il y a un sentiment de malaise. J'utilise un mot anglais, malaise. Non. C'est anglais, non? L'origine de malaise, je pense. Non, non? Jérôme dit que non. Qu'il y a un malaise général dans la population de tous les pays. Et cette crise est à la base de la situation sociale et économique et les événements que nous voyons aujourd'hui. L'Angleterre, que c'est un pays proche de la France, je pense. Il y a la Manche qui divide, non? Mais ce n'est pas lointain. Il y a le phénomène de Corbyn. Et ça, c'est une expression de la crise de la société capitaliste. Il y a une discussion publique sur la question du socialisme. Jeudi, la BBC fait un programme chaque semaine qui s'appelle Question Time. Et le programme fait un tour du pays chaque semaine dans une ville différente. Il y a un public et des experts, des grands experts, hein, un conservateur, un travailliste, un capitaliste, un professeur, etc. Et le public qui fait des demandes, qui pose des questions. Jeudi, ils ont discuté de si le socialisme est supérieur au capitalisme. J'étais devant la télévision, j'ai dit, regarde, ça c'est la BBC qui transmet un programme où on discute ouvertement du fait que le capitalisme ne fonctionne pas. Hein. Il y avait des personnes l'audience, le public, qui posaient ces questions. Mais Corbyn, in un de ses discours, il a dit que le capitalisme se trouve front à une crise de légitimité. Hein? Et Theresa May, publiquement, pendant un discours à la Banque d'Angleterre, a répondu à Corbyn publiquement Disons que l'économie du marché libre, c'est le plus grand agent de progrès humain collectif de toute l'histoire. Ça, c'est le débat public qu'il y a entre les représentants politiques plus importants de l'Angleterre. Le fait qu'on discute ouvertement si le capitalisme est supérieur ou non au socialisme te donne l'idée des changements de la dernière période. Parce que l'idée était que le socialisme a collapsé, ne fonctionne pas, c'est quelque chose de l'histoire, le capitalisme c'est le meilleur système possible, etc. Mais nous avons un débat dans un pays comme la Grande-Bretagne, publiquement, entre le chef de l'opposition, Corbyn, et le Premier ministre, Theresa May, sur la question de quel système est supérieur. Ça te donne une idée de la crise du système, que nous arrivons à ce type de débat public, à ce niveau. Ce n'est pas une discussion entre des petits groupes, des sectaires, aux margines de mouvement ouvrier. C'est un débat entre les dirigeants maximum du système politique de la Grande-Bretagne. Ça, c'est une expression de la crise du système dans lequel nous vivons. C'est l'expression d'une situation où nous avons une accumulation de grandes richesses dans les mains d'une petite minorité. J'ai ici les chiffres des 5 hommes plus riches du monde, publiés par The Rich List 2017. Il y a les premières 5 hommes. Il commence avec la famille Walton. Le troisième, c'est Bill Gates, etc. Warren Buffett et les autres. Les premiers 5 ans, ils ont plus ou moins $1,5 trillion de dollars. De livres, que c'est de plus, dans ses mains. Une accumulation historique de richesses dans les mains des peu. Au même temps, nous avons les situations comme le Yémen ou le Soudan, autre part de l'Afrique, autre part du monde, d'une croissante pauvreté. Pas seulement dans les pays sous-développés, mais au cœur des pays riches. L'année passée, j'étais à Paris. Ce qui m'a frappé. Comme le café grec, frappé. C'est terrible comme café. Ce qui m'a frappé était voir les personnes qui dorment dans la rue. Je me rappelle le passé. Ce n'était pas un phénomène commun, mais c'est plus commun aujourd'hui, particulièrement dans les pays de l'Europe, qui c'est une expression de cette situation de polarisation de richesse. Et la polarisation de la richesse s'exprime en même temps dans une polarisation politique, avec le développement de l'extrême gauche et extrême droite. Croissance de France Insoumise en France, Podemos en Espagne, ou dans l'État espagnol, Corbyn en Angleterre, et en même temps, les phénomènes de droite, non? La manifestation en Varsovie, les 60 000. C'est la fête nationale de la Pologne, mais il y avait beaucoup de racisme là, hein, pour une Europe blanche, etc. Ce n'est pas une surprise pour les marxistes qu'il y a les deux phénomènes. Dans la gauche, dans les libéraux démocrates, ils pleurent quand ils voient les racistes dans les... Oh, c'est le fascisme, etc. En même temps, nous avons Mélenchon et Le Pen. Nous avons Corbyn et la droite conservateure UKIP. Nous avons en Espagne Podemos, maintenant la situation en Catalogne avec le mouvement pour l'indépendance, et nous avons les fascistes dans les rues. Ce n'est pas une contradiction, c'est naturel. C'est la division de la société en classes qui s'exprime politiquement et que les classes se préparent à le conflit entre les classes. Ça, c'est ce que nous voyons maintenant. Le niveau de la crise, on peut le voir, par exemple, le Canada, un des pays plus riches du monde, sa dette le ratio de la dette publique au PIB, non, plus de 90% de dette publique, un pays comme le Canada. La France, pratiquement 100%. L'Espagne, pratiquement 100%. États-Unis, 105%. Italie, 132%. Et le Japon, 248% de dette publique comme ratio au PIB. C'est une expression de la crise du système dans lequel nous vivons. Mais il y a les titres des journaux, des médias, ils parlent d'une récupération économique, non? Que l'économie est retournée à croître, is it? To grow. Le fait que dans un pays comme l'Italie, il parle d'un possible 1,5% de croissance cette année comme une grande victoire, te donne l'idée de la profondeur de la crise, parce que l'Italie a passé 10 ans pratiquement de stagnation, non? Croissance zéro ou récession. Les problèmes que nous voyons dans l'économie mondiale, une baisse croissance de la productivité, une inhabilité de stimuler la croissance de la productivité, une grande inégalité des salaires, non, entre les ouvriers et les capitalistes. Mais il parle de cette année d'un petit croissance de l'économie dans les États-Unis et dans une part de l'Europe. Mais ça, pour les marxistes, ce n'est pas une surprise. Il n'existe pas de crise permanente du système capitaliste. Après une période de crise, de récession, il y a croissance. Toute l'histoire du capitalisme, on voit ce phénomène. La question, ce n'est pas regarder s'il y a du croissance ou non, mais c'est regarder le système total, non? C'est la santé du système, non? Comme on dit, un bébé et un vieux, les deux, ils respirent, non? Ils respirent, l'air entre, hein? Mais la respiration du bébé et la respiration du vieux, ce n'est pas la même chose. On est un corps, comme on se dit, avec santé, non? Et autre, salut, sans. Et l'autre, une personne qui va mourir, non? Et le capitalisme, c'est plus comme le vieux, avec la respiration du vieux. Et cette croissance de cette année n'expresse pas un retour à la croissance du période de la post-guerre, non? C'est une petite récupération dans le cadre d'une crise générale du système. Et si nous regardons ce qui passe, la tendance, par exemple, au protectionnisme, chaque pays ou chaque région mondiale qui cherche de protéger ses marchés, ça, c'est ce qui Trump expresse, par exemple. Le Brexit en Angleterre expresse la même chose. Mais nous avons, 30 ans d'une réduction des salaires réels des ouvriers en relation à la richesse des capitalistes, des salaires qui n'arrivent pas au même niveau de croissance de la productivité. Ça signifie que la classe capitaliste dans les derniers 30 ans a augmenté énormément plus-value qu'il extracte de la classe ouvrière, donnant moins comme salaire aux ouvriers. Ça explique le grand augmentation de la grande croissance des profits dans les derniers 30 ans. Mais dans cela, il y a la contradiction fondamentale du système capitaliste qui, si tout augmente, le plus-value... Quoi? Plus-value. Plus-value. Plus-value, je vais l'écrire. Plus-value qu'on extrait de la classe ouvrière. Ça signifie produire de plus, mais donner à la classe ouvrière moins recours pour acheter. Et dans cette contradiction, il y a l'explication fondamentale. Ce n'est pas tout le capital, hein, en deux phrases. Ce n'est pas le seul élément de la crise, mais c'est un élément important pour comprendre la crise du capitalisme d'aujourd'hui. Et ça explique en même temps l'explosion du crédit dans les derniers 30 ans, que c'était la manière de résoudre cette contradiction pour les capitalistes. Donner à les ouvriers de l'argent dans la forme du crédit pour acheter les produits que les capitalistes veulent vendre. Mais dans cela, il y a la préparation d'une crise, parce que l'accumulation du crédit à un certain niveau prépare la crise que nous avons vue en 2008 et qui nous vivons aujourd'hui, continuons à vivre aujourd'hui. Mais dans cette situation, il y a la croissance incroyable de niveau de dette. Ici, j'ai un article du Guardian, un journal anglais, qui explique qu'il y a 152 trillions de dollars de dette globale, hein, accumulée à niveau mondial, et que le Fonds monétaire international est préoccupé que les gouvernements doivent faire quelque chose pour réduire les dettes. Et nous avons vu qu'ils ont appliqué l'austérité pendant 10 ans et ils n'ont pas obtenu l'objectif que c'était réduire la dette. Au contraire, ils ont augmenté la dette et le peuple a continué à souffrir. Ici, il y a un article avec une femme en français, comment s'appelle-elle ? La chef du Fonds monétaire international, Lagarde, cette progressiste française, préoccupée que cette petite récupération économique peut être mise en danger pour, par exemple, l'économie chinoise et la dette qui est augmentée énormément en Chine, qui peut être le début d'une crise en Chine, ou la tendance au protectionnisme. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent freiner cette petite récupération de l'économie mondiale. Un des problèmes qu'ils ont connu, c'est la chute de la croissance du commerce mondial. Au passé, le commerce mondial, c'était un moteur de le développement de l'économie mondiale. Ça, j'ai les chiffres de 2004 à 2014-15. Si on regarde la dernière période, la croissance du commerce mondial est moins de 2%. Et ça signifie un problème mondial, parce que s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de croissance. La chute de l'accord transpacifique, ça s'appelle TTIP. Hein? Comment ça s'appelle en français? Ah, bien, l'accord. il est collapsé. Un problème qu'ils ont dans le système capitaliste, c'est, comme j'avais dit avant, la croissance de la productivité. J'ai des chiffres ici des professeurs américains qui donnent l'idée de ce qui passe. Dans les 10 ans de 1000... Les numéros français, comment vous allez moderniser, non? 80, 90, 8 ans, 9 ans. En Suisse, regardez quel pays, hein? Apprendre des camarades suisses, les Français. Hein? En 96, entre 96 et 2006, la productivité avait un taux de croissance de 1%. 2007 à 2012, 0,5 et depuis 2012, 0. La productivité s'est ralentissée continuellement parce que c'est le problème qu'il n'y a pas l'expansion du marché qui justifie un niveau d'investissement qui peut augmenter la productivité, et nous avons stagnation dans la productivité. C'est autre élément de la crise. Ils ont tenté pendant 10 ans à appliquer une politique d'austérité dure, non, après la crise bancaire et financière de 2008. Et maintenant, après 10 ans, les commentateurs plus sérieux disent que le néolibéralisme est mort. qu'il ne fonctionne pas. Nous appliquons l'austérité, mais nous n'encontrons pas une solution à la crise. Non, le marché ne s'expande pas, il n'y a pas de solution à la crise, etc. Et il commence à dire que nous devons appliquer autre politique. Il y a des éléments qui parlent de... Nous devons augmenter la dette, le crédit, des stimulus de l'économie, etc. La vérité, c'est que il n'y a pas de solution dans le cadre du système capitaliste. Parce qu'il y a fondamentalement deux politiques capitalistes. C'est monétarisme, austérité, contrôle de la dépense publique, et l'autre, c'est expansion de la dette, on peut dire de keynésianisme. Hein? Nous avons ici un article de l'Economist, en anglais c'est « An open and shut case ». Traduire, ce n'est pas facile, c'est qu'on dit, c'est clair. C'est tant obvieux que la globalisation, l'ouverture des marchés, c'est la politique correcte. Non? Mais ils l'écrivent parce qu'ils regardent la tendance de tous les gouvernements nationaux à introduire des éléments de protectionnisme. Ils sont préoccupés parce qu'ils se rappellent qu'après 1929, ce qui a poussé l'économie dans une chute profonde, c'était l'application du protectionnisme qui a rendu pire la situation. Ici, j'ai un article qui explique que les grandes entreprises en États-Unis ont accumulé quasiment 2 trillions de dollars liquides. Ils ne savent que faire avec cet argent parce qu'il n'y a pas des champs d'investissement qui peuvent produire un profit. Et c'est incroyable lire l'auteur qui dit que c'est... Il le considère un paradoxe, un puzzle. Il ne comprend pas comment c'est possible accumuler tant d'argent et ne l'investir. Mais je dis, regardez, viens lire Marx et tu vas découvrir le pourquoi de cela. La situation du chômage est en croissance. En France, 10%, Grèce, 24%, Espagne, plus ou moins 20%. Et dans la eurozone, c'est plus ou moins 10%. Mais un élément important dans les perspectives, c'est la situation de la jeunesse. J'ai ici un article de l'Organisation internationale du travail qui analyse la situation de la jeunesse. Et je l'ai en français, je pense, ici. Espère un moment. La croissance économique mondiale en 2016 est estimée à 3,2, soit 0,2% de moins que prévu à la fin de 2015. La révision à la baisse est le résultat de récessions plus profondes que prévues dans certains des principaux pays émergents exportateurs de produits de base, dont l'Argentine, le Brésil et la Fédération russe. En outre, la croissance dans le pays en développement, à 4,2% seulement en 2016, est à son niveau le plus bas depuis 2003. Malgré une légère amélioration de la croissance mondiale pour 2017, les décisions d'investissement et d'embauche restent faibles face à l'incertitude générée par un environnement en évolution rapide. Ça, c'est l'Organisation mondiale du travail qui analyse. Non? Ils disent, en conséquence, le taux de chômage global des jeunes est en hausse après plusieurs années d'amélioration et devrait atteindre 13% en 2016. Il analyse en détail la situation de la jeunesse. Il explique la situation des jeunes qui travaillent dans des travaux temporaires, précaires, etc., ou avec des contrats à heure zéro, non, etc. Et je ne vais lire tout, mais la conclusion est qu'il dit on doit faire quelque chose pour garantir une stabilité de la société. Ce sont les conclusions qu'ils ont, à lesquelles ils sont arrivés quand ils analysent cette situation. Et cette situation de la jeunesse, c'est un phénomène international. Elle touche tous les pays. La jeunesse, la génération des jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération qui va être en condition pire de ses parents, de ses grands-parents. C'est une génération sans futur. Et ça explique la radicalisation politique que nous voyons à niveau international, dans tous les pays. États-Unis, par exemple, c'est la grande puissance, non ? Mais c'est une puissance qui a perdu relativement sa force, non, qu'elle avait il y a 50 ans. C'est un processus d'une grande puissance impérialiste en décadence, mais elle reste la première. Mais le problème des États-Unis, c'est que avant, c'était, comment on dit, le policier du monde qui pouvait contrôler toutes les situations du monde. Aujourd'hui, si nous regardons, par exemple, la situation en Syrie, au Moyen-Orient, nous voyons les États-Unis qui jouent un rôle secondaire, au tertiaire, hein, parce que la situation en Syrie est dominée par la Russie, l'Iran, la Turquie, etc., qui ont divisé le pays. Les États-Unis cherchent un allié, cherchent des forces. Ils l'ont rencontré dans les Kurdes, mais je vais parler de cela plus tard. Le processus en États-Unis, c'est une grande puissance qui perd sa force pendant des dizaines d'années. Ça explique les changements à niveau mondial, qui, comme j'ai dit, qui s'expriment au Moyen-Orient, mais pas seulement là. Il y a autre puissance que c'est la Chine, une puissance croissante qui augmente sa influence dans le monde. Et ça a des conséquences mondiales et en même temps internes. Je me rappelle il y a 6 ans, Hillary Clinton qui disait « Nous allons maintenir les niveaux de dépenses militaires des États-Unis, coûte ce qui coûte. » Si on regarde la situation, une puissance en décadence qui cherche de maintenir une force militaire de ce niveau, quelqu'un doit payer. La bourgeoisie ne va payer, sont les ouvriers et les jeunes des États-Unis qui vont payer. Et ça explique la situation dans les États-Unis avec l'émergence de Sanders. Hein? Et après Sanders, le phénomène des Democratic Socialists of America. C'est un phénomène d'un groupe plus ou moins réformiste, social-démocrate, mais qui passe de 6 000 militants à 30 000. C'est l'expression de la radicalisation de laquelle j'ai parlé avant dans les États-Unis après le phénomène de Sanders. Je n'ai pas temps pour entrer dans toutes les contradictions de les États-Unis, mais seulement deux chiffres. Si nous regardons les États-Unis, depuis le 1990, les profits américains sont augmentés de 200%. En même temps, les salaires des travailleurs dans les entreprises, dans la même période, sont augmentés de 20%. Regardez, 200% d'augmentation des profits, 20% d'augmentation des salaires. Ça aide à expliquer la contradiction du système. Mais le salaire médian des familles, seulement 2% de croissance. Mais si nous regardons la période de 2000 à 2010, nous voyons autre situation. 80% d'augmentation des profits des entreprises américaines, 8% des augmentations des salaires, mais les entrées, les revenus des familles se sont réduits de 5%. Ces chiffres te donnent l'idée du processus dans les États-Unis dans les derniers 20 ans. Il explique ce qui passe, la croissante inégalité. Ce graphique, non ? Ça, c'est États-Unis, inégalité de revenus en États-Unis. Ça, C'est 29. 1929. Ça, c'est aujourd'hui. Regardez le processus. Pour résoudre le problème, ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une solution, non? Nous pouvons entrer, faire la Troisième Guerre mondiale, y espérer d'être vive au fin, et nous retournons à une société plus égale. Non. Pour moi, ce graphique expresse très, très bien la situation actuelle. Et rappelons-nous ce qui a passé après le 29, politiquement, non? Le mouvement en États-Unis, le mouvement en France, la guerre civile en Espagne, et à final, la guerre qui était la solution finale, non, des contradictions entre les capitalistes. Nous sommes entrés dans une période d'instabilité historique. L'autre côté, c'est la Chine. La Chine, c'est une économie en croissance. Elle continue à croître, mais il y a 15 ans, elle avait une croissance de 13-14%. Non? Maintenant, c'est moins de 7%. Pour la France, 7% serait incroyable. Non? Pour la Chine, que c'est un pays en phase de développement, avec un mouvement de millions et millions de paysans au centre urbain, l'économie chinoise a besoin de maintenir un taux de croissance plus ou moins de 8% minimum, non? Pour maintenir un minimum de stabilité. Ils sont déjà tombés au-dessous de ce niveau. Et nous voyons en Chine une dette croissante, incroyable le niveau de dette qu'ils ont produit. Nous avons vu 5 ans jusqu'à l'année passée, chaque an les chiffres de grèves et manifestations se doublaient chaque an, des protestes sociaux. La question nationale commence à retourner en Chine parce qu'il y a des problèmes nationaux comme le Tibet, comme les musulmans, les Ouïghours, etc. Et nous voyons dans le régime chinois un homme comme Xi Jinping qui expresse des éléments de croissant bonapartisme. C'est déjà un système bonapartiste. Mais ici, il y a l'expression d'un bonapartisme dans un seul homme qui n'a laissé l'idée qu'il va respecter les règles pas écrites, non? Qu'après une certaine période, on se retire de la politique. Il concentre des pouvoirs dans ses mains. Il a une centralisation du pouvoir, une croissante répression, contrôle de l'Internet, etc., qui expresse un régime qui est préoccupé pour les conséquences sociales de la situation économique de la Chine. Et le niveau de dette en Chine est préoccupant, pas seulement pour le régime chinois, mais à niveau international, parce que au passé, la Chine était, comme on dit, l'amortisseur de la situation mondiale. Non? Quand il y avait crise en Europe, aux États-Unis, la Chine continuait à croître d'un certain niveau. Il a donné un peu de cette comme une valve, non, de sécurité, pour le système mondial. Le fait que la Chine est arrivée à un niveau de dette préoccupant et ils doivent commencer à faire quelque chose pour cela, la Chine se peut transformer dans son opposé. Je dis opposé? Opposite. Opposé. Hein? C'est une des lois de la dialectique, hein? Que les choses se transforment dans son opposé. Tu t'imagines les personnes qui ne sont pas marxistes, qui écoutent à la fenêtre d'une cellule de notre organisation qui discute de philosophie, et nous parlons de les choses qui se transforment dans ses opposés. Ils disent, qu'est-ce que disent ces marxistes, ces idées, hein? Ça, c'est un exemple. La Chine, qui était le moteur de l'économie mondiale, un amortisseur, non? Elle freinait la crise, est en processus de se transformer dans l'opposé, que c'est, elle peut devenir la source, non? De notre crise mondiale. En même temps, l'expansion économique de la Chine s'expresse dans un croissant rôle impérialiste, Ça, c'est vous, avec la comment s'appelle en français, la roue de soie, hein, que ce n'est seulement une roue, c'est un système de roues qui connecte plus ou moins 3 billions, 6 billions ou milliards, hein. 3 milliards de personnes, de l'Inde, Pakistan, Centre-Asie, etc. Je vais parler un moment sur le Zimbabwe, et on peut voir là comment la Chine se comporte à niveau mondial. Ça signifie un conflit avec les États-Unis que nous avons vu, par exemple, sur la question du Corée du Nord, où Trump a posé des pressions parce qu'ils veulent que le régime du Corée du Nord abandonne les armes nucléaires. Il y a un problème que les dirigeants du régime nord-coréen ont noté que l'Irak n'avait pas des missiles nucléaires et les impérialistes sont entrés là. Quand un pays a des missiles nucléaires, les impérialistes pensent deux fois avant d'entrer là. Ils ont mis des pressions à la Chine, qui a mis des pressions au régime de Corée du Nord, mais pas du niveau que les Américains voulaient. Et dans la crise de Corée du Nord, on voit les contradictions d'une puissance en décadence et une autre puissance croissante. Non, c'est une expression de l'instabilité mondiale. Il y a des similitudes à la situation quand la Grande-Bretagne, c'était la grande puissance en décadence. Il était les États-Unis qui se transformaient dans la grande puissance dans le XXe siècle. Nous avons vu l'instabilité là. Je dois courir. Le temps, c'est l'ennemi. Oui, j'avais des Zimbabwe. En Zimbabwe, il y avait des investissements chinois. Nous avons noté que la semaine avant le coup d'État, le chef de l'armée du Zimbabwe a fait une visite à prendre un thé avec les dirigeants chinois, casualement. Nous ne disons que c'est préparé en Chine, mais sûrement les chefs militaires du Zimbabwe ont fait une visite en Chine à voir qu'est-ce qu'ils pensent d'un coup d'État. C'est normal. Il y a des commentaires qui ont dit que c'est le premier exemple de la Chine qui se comporte comme les États-Unis au passé. Combien de coups d'État nous avons vus dans l'histoire où le chef de pays ou de l'armée parle avec les dirigeants américains à voir qu'est-ce que tu penses, non? Chile, etc. C'est une expression de la relation de Chine avec les pays africains. Mais en Zimbabwe, nous voyons une situation où le Mugabe, comment se dit, il est tombé, mais pas pour intervention directe des masses. C'était une contradiction dans le régime. Non? Mais c'est un exemple d'une division au sommet de l'État et de la classe dirigeante. Mais une fois que cette division s'expresse, comme nous avons vu au Zimbabwe, dans cette rupture entre les masses, nous avons vu les masses dans les rues qui disaient, dans la BBC, il y avait un article, ça c'est une révolution, non, nous voulons changer. Je pensais, ce n'est pas l'objectif que les militaires voulaient, que les masses entrent dans les rues. Il parle de révolution. Ça me rappelle un peu l'Italie du 43. Quand le 25 juillet du 43, les militaires italiens ont fait un coup d'État, ils ont arrêté Mussolini. Non? L'idée était changer le régime pour faire un accord avec les Américains. Ça, c'était l'idée. Mais immédiatement, les masses italiennes entrent dans les rues, non? C'est la fin du régime, les prisonniers politiques libérés, etc. Ce n'était pas l'objectif des militaires italiens. Il y a des similitudes, ce n'est pas exactement la même chose. Mais ils ont un problème. il voulait résoudre un problème économique parce qu'il y a une situation économique désastreuse en Zimbabwe. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais la monnaie nationale n'existe pas. Il utilise le dollar américain, il rend sud-africain. Il y a un chômage officiel de 90%, non ? Millions de Zimbabwéens qui vivent dehors de Zimbabwe. C'était une section de la classe dirigeante qui voulait s'imposer et commencer autre politique. Mais ils ont ouvert une situation où les masses sont intervenues dans la situation. Et il ne va être possible de retourner complètement à la situation d'avant. Ils pensent qu'avec le nouveau dirigeant, son nickname, comment ils disent, c'est le crocodile. Le crocodile. Ça te donne une idée du progressisme de cet élément. Il est le vice-président de Mugabe. Non? Il ne va être pas possible de continuer avec le même régime. C'est une expression de la situation intolérable que vivent les masses de Zimbabwe. Mais c'est intéressant de voir comme il y avait des manifestations en Mozambique, Botswana, Afrique du Sud. Il a eu un impact en Ouganda. Il y a Museveni qui a des problèmes. Il a commencé à faire des concessions parce qu'il a peur de la contagion de la situation de Zimbabwe en Ouganda. En Kenya, il y a une situation similaire. Si tu regardes l'Afrique noire, disons, subsaharienne, la quantité de régimes où il y a une situation plus ou moins d'un vieux dirigeant, un vieux politique, président, dictateur, qui a gouverné 20 ans, 30 ans, il arrive un moment qu'il y a des élections, au moment qu'il doit abandonner, et il ne veut pas abandonner. Et ça prépare l'intervention des masses dans la situation, une crise. Togo, Burkina Faso, Zimbabwe, aujourd'hui, Ouganda. C'est un phénomène de toute l'Afrique, et c'est une expression de l'impact de la crise mondiale dans ces pays qui déjà souffrent dans cette situation. Pour passer au Moyen-Orient, nous avons une situation d'instabilité sans précédent dans le Moyen-Orient. Les États-Unis, quand ils sont entrés en Irak, ils pensaient la chute de l'Union soviétique, nous sommes la seule puissance mondiale, non ? Nous dominons le monde. Nous pouvons faire qu'est-ce que nous voulons. Ça, c'était l'idée qu'avait Bush, non ? Mais c'est une idée qui entrait dans une tête très petite. Il n'avait compris pas la vraie situation des États-Unis dans le monde. Il pensait de résoudre les problèmes. Il a provoqué une situation qui a, comment on se dit, multiplié la crise plus fois entrant en Irak. Mais nous voyons la situation. Arabie Saoudite est dans une crise économique très sérieuse, partiellement provoquée par elle-même, parce qu'ils, par exemple, ils ont augmenté énormément la production de pétrole, c'est ça ? Avec l'impact sur le prix mondial qui est tombé. Ce n'est pas la unique raison. La vraie raison, c'est que la crise mondiale, la récession, le ralentissement de la croissance économique mondiale a réduit la demande pour le pétrole. Ça, c'est la raison de base. Mais dans cette situation, il y a par exemple l'Arabie Saoudite qui veut donner un coup à l'Iran, qui est un pays exportateur de pétrole, un coup aux États-Unis en même temps parce qu'ils ont développé le fracking contre l'instabilité du Moyen-Orient. Il effecte que le prix est tombé. Et ça a provoqué une situation aggravée, disons, la crise dans des pays comme, par exemple, Venezuela. À la base de la situation vénézuélienne, c'est le fait que les revenus du pétrole sont tombés. Ils n'ont pas les ressources qu'ils avaient pour faire des réformes. L'idée du pétrosocialisme, que c'était avec l'argent de l'exportation de pétrole, on peut financer les réformes. Il a fonctionné pendant une certaine période. Avec la chute du prix du pétrole, ça a provoqué la situation au Venezuela. Mais ce n'est pas seulement le Venezuela. En Nigeria, par exemple, le 90% des revenus étatals de Nigeria sont l'exportation de pétrole. Avec la chute du prix, ça a provoqué un problème interne à Nigeria. Mais la même Arabie Saoudite est en crise maintenant. Il y a une crise interne en Arabie Saoudite. Ils sont plus faibles qu'avant. Et l'Iran a émergé comme une puissance régionale qui se va rendre toujours plus fort. Le nouveau chef, comment s'appelle, en Arabie Saoudite, il a arrêté beaucoup de la même famille saoudite, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il a pris l'argent, un milliard de dollars, parce qu'il doit financer la situation interne d'Arabie Saoudite. J'ai ici un article. Téhéran gagne la guerre pour le contrôle du Moyen-Orient. Non? Arabie Saoudite a fait de tout pour chercher de réduire l'influence d'Iran. Les États-Unis, avant, son objectif était d'enfaiblir l'Iran comme puissance. Ils ont obtenu le contraire. Non? L'Iran a augmenté sa influence dans l'Irak, en Syrie. Assad est survécu grâce à Russie et Iran qui ont aidé. Il y a un changement d'équilibre dans le Moyen-Orient. Il y a de fait une division de Syrie entre les Turcs, les Russes et les Iraniens. Ils ont fait un accord. Ça te donne une idée de la décadence des États-Unis. Quand la Russie intervient en Syrie, et après ils ont fait un appel d'une conférence internationale, et ils n'ont pas invité les États-Unis, parce qu'ils le comptaient dans Syrie. C'est une expression de la situation. Mais où les impérialistes ont intervenu, comme en Irak, Syrie, Libye, au contraire de créer une stabilité, ils ont provoqué le contraire. Ils ont augmenté l'instabilité. Regardez Libye, par exemple. La Libye, il n'y a pas un seul gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. Et il y a des régions contrôlées par des chefs de bandes, comme des mafias locales. Non? Et ça a provoqué des problèmes à l'Europe. La situation du Moyen-Orient touche l'Europe, clairement, avec le problème des réfugiés. C'est-à-dire, non? Réfugiés. Ça, si tu vas en Italie, c'est particulièrement évident. Dans toute l'Italie, il arrive, non, milliers de réfugiés, d'immigrants, etc. Et ça, c'est un élément, ou autre élément, d'instabilité interne de l'Union européenne. Le conflit sur cette question, nous le voyons avec la Pologne, la Hongrie, qui ne veulent acheter les règles, non, de l'Union européenne. Ou Italie, qui se rencontre avec une masse de réfugiés, et la France, gentiment, à 20 000 à la frontière, disent non, non, non, on ne passe pas. Ou à la frontière avec l'Autriche, ils ont fermé la frontière à les immigrés, et ils disent à l'Italie, tu dois être plus sérieux et contrôler ta frontière. Ça signifie littéralement laisser mourir les immigrants qui traversent le Méditerranée. Ça, c'est le produit de l'intervention de l'impérialiste dans le Moyen-Orient. Si vous vous rappelez, quand l'Angleterre et la France, Sarkozy et Cameron, ont bombardé Libye, non? Sarkozy particulièrement enthousiaste de bombarder Libye, parce que le problème, c'était l'Italie, pas de la France. Hein? J'ai oublié ce que je disais. À 60 ans, ça passe. Oui, je me rappelle, nous avons dit, nous étions contre l'intervention palestinienne en Libye, en Syrie, etc. Il y avait une certaine gauche qui disait non, non, c'est nécessaire d'appuyer l'OTAN en Libye parce que c'est la démocratisation, c'est aider la révolution libyenne, etc. Nous avons dit que la révolution dans chaque pays appartient au peuple de chaque pays. Le peuple de Libye doit faire la révolution. Le peuple de Syrie doit faire la révolution. S'il y a une intervention étrangère, elle va avoir un impact réactionnaire. Et nous l'avons vu en Libye et dans tout le Moyen-Orient. La révolution arabe de 2011 était la vraie expression du peuple arabe, de Maroc jusqu'à Syrie. Nous avons vu la révolution égyptienne, tunisienne, etc. Nous avons vu comme dans une part du monde, je me rappelle quand dans la gauche se parlait du monde arabe. Ah, c'est un monde réactionnaire, réaction noire, il n'y a pas perspective de lutte, etc. Vous vous rappelez, il commence avec un événement en Tunisie et il devient la révolution arabe de tous les pays arabes. Je ne peux pas développer la question ici, mais ce que nous avons vu dans le monde arabe, c'est l'expression de la manque d'un parti de la classe ouvrière, d'un parti révolutionnaire à la tête de la classe ouvrière. Qui peut dire que la classe ouvrière égyptienne ne pouvait prendre le pouvoir, hein? Quand, si vous vous rappelez, 17 millions de personnes dans les rues, hein? Une des plus grandes mobilisations de toute l'histoire, hein? De lutte, et ça n'a pas produit le pouvoir ouvrier. A produit un régime bonapartiste qui a repris le pouvoir. La même chose en Tunisie, etc. Mais il y a des indices une reprise, non, des luttes dans le monde arabe. Nous l'avons vu cette année en Maroc, dans le RIF, les mobilisations de masse que nous avons vues là. Et c'est normal, quand une révolution n'arrive pas à l'objectif de changer la société, la politique ne se freine, elle continue. Et si la gauche ou si la classe ouvrière n'a pas l'habilité de donner une direction à toute la société, autres éléments vont entrer dans la situation. Et nous avons vu comme autre élément politique en Égypte, entre les militaires, etc., etc. Ils ont rempli un vide. Il y a un tour réactionnaire dans la situation. Mais ça va préparer autre mouvement au futur. Un élément de la situation que nous voyons, c'est la situation des Kurdes au Moyen-Orient, que les Américains, la faiblesse des Américains les a obligés à s'appuyer aux Kurdes parce que c'était l'unique force militaire capable de la région. Mais nous avons vu que les Kurdes ont tenté de gagner, non, l'indépendance, l'État national, l'autodétermination, etc. Ils ont organisé un référendum dans la part irakienne. Nous avons vu comment se comportent les impérialistes. Un référendum avec 90% de la population qui vote en faveur de l'indépendance, où est l'indépendance des Kurdes, non? Les Turcs disent non, le gouvernement de Bagdad a dit non, l'Iran a dit non, ils ont intervenu, les Kurdes ils ont abandonné Kirkuk, non, obligés à l'abandonner, et des manœuvres entre les différents dirigeants kurdes. Ça confirme ce que nous disons, que un vrai État indépendant des Kurdes va être possible dans le cadre d'une révolution socialiste de tout le Moyen-Orient, qui va construire une fédération des États socialistes avec le droit de tous les peuples d'avoir un propre État. Sur la question en Europe, Je dois conclure et j'ai beaucoup à dire. La crise de l'Union européenne, c'est très profonde. Brexit, c'est un symptôme de la crise. Mais ce n'est pas l'unique symptôme de la crise de l'Union européenne. La question des réfugiés, je l'ai touché. Mais dans toute l'Europe, il y a un croissant sentiment d'anti-Union européenne. Si tu vois en Italie, par exemple, que je pense qu'au passé, c'était le pays plus européen qu'on pouvait rencontrer. Parce que pendant une grande période historique, l'Italie a eu des grands avantages à être partie d'un grand marché. Non? Mais dans les derniers 10 ans, tout est changé. En Italie, en Hongrie, beaucoup de pays, un croissant sentiment anti-européen, anti-Union européenne. Pourquoi? Parce que toutes les politiques qu'ils appliquent, austérité, etc., c'est à nombre de l'Union européenne. Pour défendre l'euro, on doit faire l'austérité. Pour défendre l'économie européenne, qui va payer? Les ouvriers, les chômeurs, les jeunes, etc. Il y a une croissante crise et qui maintenant s'exprime dans le pays central de l'Union européenne, que c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'était le pays, qu'on pouvait dire, le plus étable, non? Stable de l'Europe, une puissante économie. Merkel, que c'était une figure internationale qui dominait le scénario international, etc., qui, quand il y a instabilité en Angleterre ou en Espagne, ou les Français qui sont tombés un peu, il y avait la force de l'Allemagne. Nous avons vu l'impact de la crise à niveau politique dans l'Allemagne. Quand Merkel, nous rappelons Merkel qui disait à les Syriens, vous pouvez venir, oui, l'Allemagne s'est ouverte. Ça, dans les conditions concrètes où ils ont attaqué la classe ouvrière allemande, parce que la réalité, c'est que c'est ils ont coupé beaucoup les niveaux de salaire. Ils ont créé une couche très grande de travailleurs précaires, hein, avec des salaires très bas en Allemagne. Il y a une situation économique sociale de polarisation en Allemagne, comme dans tous les pays. Et la question des immigrés augmente les tensions. Et Merkel a payé un prix pour sa politique, au point que il y a seulement le gouvernement Jamaica. Il s'appelle, non, parce que ce sont les partis, les 4 partis ont les mêmes couleurs de la drapeau jamaïcain. Ils ont fait discussion, négociation, Merkel. Hein. L'unique gouvernement, c'est un gouvernement de 4 partis en Allemagne. C'est la première fois de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a ce niveau d'instabilité en Allemagne. Et les bourgeois sont très préoccupés pour cette situation. Il pensait, Macron, il pensait, avec Merkel, le front Macron-Merkel, nous allons contrôler et diriger l'Europe. Non? Et au contraire, nous avons une instabilité provoquée par la situation internationale et nationale. Par exemple, une solution serait un gouvernement avec les social-démocrates. Mais les social-démocrates allemands sont tombés dans les élections jusqu'à 20%, le niveau plus beau de avant la guerre. Non? Et ils ont conclu, un minimum d'intelligence, ils ont gouverné avec Merkel et appliqué l'austérité, ne paye pas. Et ils se refusent d'entrer dans le gouvernement parce qu'ils ont compris, si nous entrons, nous, autrefois, dans le gouvernement avec Merkel, et continuons à appliquer l'austérité, Ça va être la fin du parti, non? Un peu la pasokisation de la social-démocratie. Pour cela, ils ne peuvent pas entrer là. Les autres partis, qui incluent les Verts, très progressistes les Verts, non? Les négociations se sont rompues pour construire un gouvernement. Ils ne savent pas quand il va être possible d'avoir un gouvernement stable en Allemagne. Ça, c'est très problématique parce que c'est au centre de la Union européenne et l'économie la plus forte de l'économie. Ça, c'est une expression de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Grande-Bretagne, ils ont un gouvernement que c'est incroyable. Si tu penses à l'histoire de la Grande-Bretagne, non, quand elle était une puissance mondiale, ils disaient que la classe dirigeante britannique pensait avant des siècles, non, grande perspective. Le gouvernement conservateur de Theresa May n'est capable de penser jusqu'à demain, parce qu'ils sont divisés internement. J'ai vu un Economist, il y avait cartoon. Hein? Il y avait un compte de tennis. Et on l'a, il y avait l'Union européenne qui lançait. Non? L'autre côté, il y avait les Anglais, deux Anglais, qui ne jouaient contre l'Union européenne, mais il y avait autre division du camp, et il y avait qui jouaient un contre l'autre. Hein? Et les Européens qui lançaient les balles, ça c'est l'expression actuelle de la situation de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Le problème c'est que la bourgeoisie britannique ne veut pas laisser l'Union européenne. Ils ont besoin du marché européen, mais ils ont une situation politique. Le Brexit c'était une expression d'une opposition à un certain type de politique en Angleterre, que c'était l'austérité. Et ça a créé une situation sans solution. Ça, si tu penses ce qui va passer dans les prochains 12 ou 18 mois, par exemple la frontière de l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, que c'est une frontière ouverte, pratiquement le nord et le sud de l'Irlande étaient unis économiquement dans l'Union européenne. Il avait une frontière ouverte, pas de contrôle. S'ils doivent reconstruire une frontière rigide, ça va créer des problèmes économiques incroyables, et non seulement économiques, politiques et sociaux, avec les vieux divisions entre catholiques et protestants en Irlande. Chaque jour que qu'on écoute la télévision ou ouvre les journaux en Angleterre, tu vois une situation d'un gouvernement paralysé, qui ne sait, il ne sait pas. Que faire? Autre expression de la profonde crise de l'Europe, c'est ce qui passe en Espagne, dans l'État espagnol. Il y a un camarade qui dit espagnol, ce n'est pas bon pour construire des amis. La Catalogne, c'est la part plus riche de l'Espagne. Et la question catalane, je me rappelle, il y a des mois, nous faisons des discussions de comparaison entre Écosse et Catalogne. Nous disons, en Écosse, c'est plus avant la question nationale, non? Le référendum, qu'ils ont. Catalogne, il semblait moins développé. D'un moment à autre, Catalogne a repassé l'Écosse, et ils sont arrivés à déclarer l'indépendance. De l'Espagne. Ça, c'est une expression de la profonde crise qui nous voyons en Espagne. C'est le résultat de la crise économique, de l'austérité, d'un gouvernement central corrupt, anti-ouvrier, etc. Et quand il n'y a pas une alternative de gauche claire, un gouvernement de gauche en toute l'Espagne, les problèmes des masses s'expressent à travers la question nationale et la déclaration de l'indépendance. Et ça, c'est une crise profonde du régime espagnol. Le régime qui vient de la transition de 78. La transition, c'était la trahison de la révolution espagnole. C'était la continuation du régime franquiste en forme démocratique. Ça, c'est la vérité. Et nous avons vu le comportement de Rajoy et la classe dominante espagnole, qui, je pense, la classe dominante espagnole est particulièrement stupide, je pense. Hein. Mais c'est facile pour les autres. Les Anglais disaient, regardez, tu dois faire comme nous faisons en Angleterre, un référendum, nous le faisons démocratiquement. Possiblement, un référendum en Catalogne, il y a un an, possiblement, la majorité votait un peu pour rester dans l'Espagne, possiblement. Le comportement de la bourgeoisie espagnole est tel qu'a provoqué une situation très pire de là qu'elle pouvait être. Mais il y a une logique dans tout cela. C'est la nature de l'État espagnol. Il y a les Basques, il y a les Galiciens. C'est la nature de l'Espagne qui, si on commence à faire des concessions à un groupe national, il ne va pas terminer là. Non, c'est une réaction à chaîne, disons, de rupture. Et ça, c'est une expression. Et nous regardons, en même temps, les limites d'une direction petit-bourgeois de ce mouvement. Nous avons appuyé le mouvement pour l'indépendance, mais nous avons expliqué que seulement avec des méthodes révolutionnaires, seulement avec l'intervention directe de la classe ouvrière, on peut gagner la vraie indépendance de la Catalogne. Il y a des dirigeants bourgeois et petits bourgeois de la Catalogne, ils vont trahir ce mouvement. Mais c'est une expression. J'avais dit, je ne peux pas approfondir cette question, le phénomène de la droite dans toute l'Europe, hein, la manifestation de la Pologne, de Varsovie, j'avais dit, en Autriche, non, le Freedom Party, le Parti de la Liberté. En Allemagne, il y a le comment se llama? AfD, AfD, ce parti de droite raciste, etc. En toutes les discussions que j'ai eues entre les bourgeois qui parlent de la possibilité d'une seconde élection en Allemagne, sa préoccupation c'est que dans la réalité actuelle, le seul parti qui pourrait gagner, c'est l'AfD, à la droite, non, attaquant Merkel, etc. Ça, c'est clairement dans la situation, parce que c'est une expression de la polarisation que nous voyons. Je voulais dire quelque chose sur la France, mais il y a beaucoup de Français qui peuvent intervenir, je le laisse là. Italie, brièvement, élection en Sicile récemment, 54% de la population qui ne va voter. Quand ils disent qui a gagné, j'étais en Italie il y a 2 semaines, ils disent ah, la droite, la renaissance de la droite. Quelle renaissance? 46% a voté et tu as pris la majorité de la minorité. La majorité de la population, il n'y a pas d'expression politique pour laquelle je peux voter. Ça, c'est le drame italien. Il y a un grand vide en la situation italienne. Mais il y a des signaux. Par exemple, Amazon. Les camarades français avaient publié un article très bon sur les conditions de travail Amazon. Hier, à Piacenza, au nord d'Italie, une grève de 24 heures des ouvriers d'Amazon. C'était la classe ouvrière, que c'est impossible d'organiser. C'était la classe ouvrière qui n'existe pas. Non, c'était la classe, tout est changé, la lutte de classe, c'est quelque chose de l'histoire, etc. Ils ont décidé de faire la grève vendredi noir, Amazon, ce n'est un petit détail, et ils ont déclaré qu'ils ne vont faire les heures supplémentaires jusqu'à 31 décembre. Pourquoi Amazon, jusqu'à Noël, non, c'est une période très importante. Ça donne une idée. L'Italie, je pense que c'est un sondage qu'ils ont publié en février, je pense que c'était au janvier. C'est un sondage organisé par le Parti démocratique. Ils pensaient clairement d'avoir un résultat qui va confirmer que le réformisme, c'est la roue que nous devons prendre. Non, ils ont posé, et c'est incroyable, ils ont posé des demandes, se disent questions. Est-ce qu'il y a besoin d'une révolution? Imagine, dans un sondage. Seconde, il est nécessaire aller dans la route des réformes. Il pensait clairement, ça c'est la question qui va recevoir la majorité. Au contraire, dans les jeunes moins de 18 ans, 60% ont déclaré on a besoin d'une révolution. Ça c'est l'Italie. Ça, l'autre expression de la situation italienne. Non, à niveau européen, ils ont fait le fameux sondage que nous avons publié. Tu es disponible à participer dans une insurrection contre le gouvernement. Je pense, Quelle période qu'on organise des sondages passe si tu penses de voter communiste ou républicain ou socialiste. Non, des sondages qui posent la question. Vous voulez participer dans une révolution? Ça, pour moi, c'est suffisant expression de la réalité de la situation. Et quand la grande majorité des jeunes répondent que oui, révolution, c'est la solution, ça touche la question du travail de l'organisation. Je voudrais parler de Venezuela, de Brésil, etc. Mais je n'ai pas le temps. Il y a une situation similaire là en même temps. Mais toute cette crise que j'ai cherché de analyser brièvement a produit des phénomènes politiques. Ce qui passe en Catalogne, ce qui passe en toute l'Espagne avec Podemos, ce que nous avons vu en France avec la France insoumise, avant ce que nous avons vu avec Syriza, le phénomène de Corbyn en Grande-Bretagne, le phénomène de Sanders dans les États-Unis, ou la grève brésilienne d'avril avec 38 millions de participants, ou la situation, si vous avez vu les articles sur le site de l'International, de les ouvriers argentins qui frappent les dirigeants syndicaux, non? La situation que nous avons vue en Zimbabwe, tout cela, c'est une expression de radicalisation à gauche qui a dans le miroir la radicalisation à extrême droite en même temps. Les deux choses marchent unies. Nous devons rappeler que il y a Mussolini en 22, mais en 20, il y a l'occupation des usines. Il y a Hitler en 33. Mais il y avait le plus grand parti communiste dehors de l'Union soviétique en Allemagne, avec 4 millions de votes et 400 000 affiliés. Nous avons vu toute l'histoire, les deux processus, radicalisation à gauche de les masses et préparation à droite pour détruire non, toutes les conquêtes de la classe ouvrière. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'expression de cette radicalisation dans un pays après l'autre et en même temps l'extrême droite. Dans cette situation, il y a une génération qui se réveille, qui commence à penser, qui commence à se demander pourquoi passe tout cela. Non? Un jeune qui peut beaucoup politiser se demande, c'est obligatoire, il se demande pourquoi passe cela. Tous ces réfugiés, les guerres, Yémen, Syrie, Zimbabwe. Le monde est tellement instable, les événements entrent dans les têtes de millions de personnes, de jeunes, qui avant n'étaient pas politisés, et ils vont se politiser. Et ils cherchent l'alternative. Ça explique le pourquoi. En États-Unis, par exemple, cette organisation, les Democratic Socialists of America, qui avant, il avait 6 000 militants dans un pays comme États-Unis, de vieux, stalinistes, réformistes, adaptés totalement au système politique américain, dans le Parti démocratique, etc., dans le vide à la gauche, de 6 000, il passe à 30 000. 30 000. Pratiquement tout jeune, non, qui entre à la recherche d'une organisation socialiste, hein, pour changer la société. Et nous sommes là. Hein. Nous sommes là et nous avons gagné, déjà recruté des jeunes, des éléments là. Mais c'est une expression politique de toute cette crise que j'ai élaborée. Et ça devrait donner force à nos camarades que les idées que nous avons, l'analyse que nous avons peut gagner des couches importantes de la jeunesse et de la classe ouvrière. Je vais terminer avec une anecdote. Il y a 7 ans, je pensais, j'étais aux États-Unis, au congrès de la section américaine. Il y avait un jeune, maintenant il est permanent à New York. Hein? Il y avait un jeune, il était à l'école. Il nous avait cherché en Internet. Il avait regardez tous les groupes de gauche, ils pensaient que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et il voulait participer au congrès, de Californie jusqu'à Minneapolis. Et les camarades me disent, le père de ce jeune, il veut participer au congrès. Et j'imagine, ton fils qui a 17, 18 ans, il veut voyager l'autre côté du continent, à parler avec des révolutionnaires, il va contrôler qu'ils ne sont pas terroristes. Hein. Il dit, viens, viens, viens. Il est venu. Je me rappelle, je parlais comme je parle ici. Il y avait le camp, et le père était là. Il écoute, écoute, écoute. Et je voyais de son visage qu'il disait. Ah. Et à final, quand nous avons pris le café, il me dit, frère, vous êtes une organisation très dangereuse. Et je pensais, pourquoi? Parce que vous avez des idées très puissantes. Hein? Ça te donne l'idée de la force de nos idées, notre idée. Et avec ces idées, nous pouvons construire l'organisation dans tous les pays. Parce que ce qui manque dans la situation que j'ai expliquée, c'est l'élément de la direction révolutionnaire de la classe ouvrière. Sans la direction révolutionnaire, nous allons faire une bonne analyse et après nous pouvons dire, nous l'avons dit, mais la classe ouvrière va perdre. Nous devons construire l'organisation qui peut intervenir dans cette situation internationale. La bourgeoisie est très, très préoccupée. Les articles sérieux de la bourgeoisie parlent de la crise. J'ai un article ici, comment on va finir le capitalisme, non? How will capitalism end? Autre qui parle du collapse du capitalisme, autre article qui parle de le moment Marie-Antoinette de la situation politique, que c'est à dire une classe dirigeante qui n'a pas idée de ce qui passe dans la société. Ça, c'est la situation et il dépend de nous construire la force pour donner cette alternative à la classe ouvrière et à la jeunesse. J'ai parlé déjà trop, et je vais terminer ici.